J'ai une méchante mère, boum badi boum tralala. J'ai une méchante mère, boum badi boum tralala. Qui tous les matins me fait lever, qui tous les matins me fait lever, qui tous les matins me fait lever. M'envoie à la fontaine, boum badi boum tralala. M'envoie à la fontaine, boum badi boum tralala. Avant le soleil levé. Avant le soleil levé, avant le soleil levé. Croyant être solette, boum badi boum tralala. Croyant être solette, boum badi boum tralala. Mon amant s'y est trouvé, mon amant s'y est trouvé, mon amant s'y est trouvé. S'assied sur une pierre, boum badi boum tralala. S'assied sur une pierre, boum badi boum tralala. Et l'on se mit à causer, et l'on se mit à causer, et l'on se mit à causer. Nous avons tant causé, et boum badi boum tralala. Nous avons tant causé, et boum badi boum tralala. Que le soleil s'est levé, que le soleil s'est levé, que le soleil s'est levé. Que va dire ma mère, boum badi boum tralala. Que va dire ma mère, boum badi boum tralala. Pour avoir tant tardé, pour avoir tant tardé, pour avoir tant tardé. Tu diras à ta mère, boum badi boum tralala. Tu diras à ta mère, boum badi boum tralala. Que la fontaine est brouillée, que la fontaine est brouillée, que la fontaine est brouillée. Les oiseaux du village, boum badi boum tralala. Les oiseaux du village, boum badi boum tralala. Étaient venus s'y baigner, étaient venus s'y baigner, étaient venus s'y baigner. Les chevaux de la reine, boum badi boum tralala. Les chevaux de la reine, boum badi boum tralala. Étaient venus s'y abreuver, étaient venus s'y abreuver, étaient venus s'y abreuver. J'ai une méchante mère, boum badi boum tralala. J'ai une méchante mère, boum badi boum tralala. Qui tous les matins me fait lever, qui tous les matins me fait lever. Qui tous les matins fait lever, qui tous les matins fait lever, qui tous les matins fait lever, qui tous les matins fait lever, qui tous les matins fait lever.